Chapitre 5. Premier démêlé. Les petits Papovski regardaient avec surprise Jacques et Paul. Ni l'un ni l'autre ne leur baisait les mains, ne leur faisait de salut jusqu'à terre. Ils se tenaient droits et dégagés, les regardant avec un sourire. Mitineka. Mon oncle, qui sont ces deux garçons qui ne disent rien? Ce sont les petits Français, deux excellents enfants. Le grand s'appelle Jacques et l'autre Paul. Sonushka. Pourquoi ne nous baissent-ils pas les mains? Parce que vous êtes de petits sots et qu'ils ne baissent que la main de leurs parents. Jacques. Et la vôtre, général? Ils parlent français, ils savent le français, s'écrièrent Sonushka, Mitineka et deux ou trois autres. Le général. Je crois bien, et mieux que vous et moi. Pavlouska. Est-ce que je peux jouer avec eux, mon oncle? Tant que tu voudras. Mais je ne veux pas qu'on les tourmente. Allons, soyez sages, enfants. Voilà vos bonnes qui apportent les mâles. Je m'en vais. Soyez prêts pour dîner dans une heure. Le général sortit après leur avoir caressé les joues, tapoté amicalement la tête, et après avoir recommandé aux bonnes d'envoyer les enfants au salon dans une heure. Jouons, dit Mitineka. Sonushka. À quoi allons-nous jouer? Mitineka. Au cheval. Dis donc, toi, grand, va nous chercher une corde. Jacques. Pourquoi faire? La voulez-vous grande ou petite, grosse ou mince? Mitineka. Très grande et très grosse. Dépêche-toi, cours vite. Jacques ne courut pas, mais alla tranquillement chercher la corde qu'on lui demandait. Il n'était pas trop content du ton impérieux de Mitineka. Mais c'était le neveu du général, et il crut devoir obéir sans répliquer. Pendant qu'il faisait sa commission, Yegor, l'un d'entre eux, âgé de 8 ans, s'approcha de Paul et lui dit « Mets-toi à quatre pattes que je monte sur ton dos, tu seras mon cheval. » Paul était complaisant, il se mit à quatre pattes. Yegor sauta sur son dos et lui dit d'aller vite, très vite. Paul avança aussi vite qu'il pouvait. « plus vite !» criait Yegor. « Nakelaï, Mitineka, Pavlouska, fouettez mon cheval qu'il aille plus vite !» Les trois frères saisirent chacun une petite baguette et se mirent à frapper Paul. Le pauvre petit voulut se relever, mais tous se jetèrent sur lui et l'obligèrent à rester à quatre pattes. Paul criait et appelait Jacques à son secours. Par malheur, Jacques était loin et ne pouvait l'entendre. « Au galop !» lui cria Yegor, toujours à cheval sur son dos. « Ah, tu es un mauvais cheval, rétif ! Fouettez, frère, fouettez !» Les cris de Paul furent enfin entendus par Madame d'Érigny. Elle accourut, se précipita dans la chambre, culbuta Yegor, repoussa les autres et arracha de leurs mains son pauvre Paul terrifié. « Méchants enfants ! S'écria-t-elle. « Mon pauvre Paul ne jouera plus avec vous. »« Vous êtes une impertinente, » dit Sonushka, « et je demanderai à mon oncle de vous faire fouetter. » Madame d'Érigny poussa un éclat de rire qui irrita encore plus les quatre aînés et emmena Paul sans répondre. Jacques revenait avec la corde. Effrayé de voir pleurer son frère, il crut que Madame d'Érigny l'emmenait pour le punir. « Maman, maman, pardonnez à ce pauvre Paul, laissez-le jouer avec les neveux du général !» s'écria Jacques en joignant les mains. Mais quand il sut de Madame d'Érigny pourquoi elle l'emmenait et que Paul lui raconta la méchanceté de ses enfants, il voulut, dans son indignation, porter plainte au général. Madame d'Érigny l'en empêcha. « Il ne faut pas tourmenter le général de nos démêlés, mon petit Jacques, » dit-elle. « Ne jouez plus avec ces enfants mal élevés, et Paul n'aura pas à en souffrir. » « Ils n'auront toujours pas la corde, » dit Jacques en embrassant Paul et en suivant Madame d'Érigny. « T'ont-ils fait bien mal, ces méchants, mon pauvre petit Paul ?»« Non, pas trop, mais tout de même ils tapaient fort quand maman est arrivée. Et puis j'étais fatiguée. Le garçon que les autres appelaient Yegor était lourd, et je ne pouvais pas aller vite à quatre pattes. » Jacques consola son frère de son mieux, aidé de Madame d'Érigny. Elle était occupée à réparer le désordre de leur chambre, que d'Érigny avait dépouillée, pour rendre plus commode celle de Madame Papovski et de ses enfants. Ils coururent à la recherche de d'Érigny, qui courait, de son côté, pour trouver les objets nécessaires au coucher et à la toilette de sa femme et de ses enfants. Jacques. Voilà papa, je le vois qui traverse la cour avec d'énormes paquets. Par ici, maman, par ici, Paul. » Et tout droit se dépêchèrent d'aller le rejoindre. « Que portez-vous donc, papa ?» dit Jacques quand il fut près de lui. « Des oreillers et des couvertures pour nous, mon cher enfant. Nous n'en avions plus. J'avais donné les nôtres à la nièce du général et à ses enfants. » Paul. « Papa, il faut tout leur reprendre. Ils sont trop méchants. Ils m'ont battu. Ils m'ont fait aller si vite que je ne pouvais plus respirer. Yegor était si lourd que j'étais éreinté. » Dérigné. « Comment, déjà ? Ils ont joué au maître à peine arrivé ? C'est un vilain jeu, auquel il ne faudra pas vous mêler à l'avenir, mes pauvres chers enfants. » Jacques. « C'est ce que nous disait maman tout à l'heure. Si j'avais été là, Paul n'aurait pas été battu, car je serais tombé sur eux à coups de poing et je les aurais tous rossés. » Dérigny souriant. « Tu aurais fait là une jolie équipée, mon cher enfant, battre les enfants du général. C'eût été une mauvaise affaire pour nous. Le général eût été fort mécontent et avec raison. N'oublie pas qu'il ne faut jamais agir avec ses supérieurs comme avec ses égaux, et qu'il faut savoir supporter avec patience ce qui nous vient d'eux. « Mais papa, je ne veux pas laisser maltraiter mon pauvre Paul. » « Certainement non, mon brave Jacques. Tu l'aurais emmené avant qu'on l'eût maltraité, et comme tu es fort et résolu, tu les aurais facilement vaincus sans les battre. » « C'est vrai, papa. Une autre fois, je ferai comme vous dites. Dès qu'ils contrarieront Paul, je l'emmènerai. » « C'est très bien, mon Jaco, » dit Dérigny en lui serrant la main. Paul. « Papa, je ne veux plus aller avec ces méchants. »« C'est ce que tu pourrais faire de mieux, mon chéri, » dit Madame Dérigny en l'embrassant. « Mais nous oublions que votre papa est horriblement chargé, et nous sommes là les mains vides sans lui proposer de l'aide. » « Merci, ma bonne Hélène. Ce que je porte est trop lourd pour vous tous. »« Mais nous en prendrons une partie, mon ami. »« Mais non, laissez-moi faire. » Jacques et Paul, sur un signe et un sourire de Madame Dérigny, se jetèrent sur un des paquets et parvinrent, après quelques efforts et des rires joyeux, à l'arracher des mains de leur père. « Encore ?» leur dit Madame Dérigny, les encourageant du sourire et s'emparant du paquet, qu'elle emporta en courant dans son appartement. Une nouvelle lutte, gaie et amicale, s'engagea entre le père et les enfants. Ceux-ci attaquaient vaillamment les paquets. Le père les défendait mollement, voulant donner à ses enfants le plaisir du triomphe. Jacques et Paul réussirent à en soustraire chacun un, et tous trois suivirent Madame Dérigny dans leur appartement. Ils se mirent à l'œuvre si activement que le désordre des lits fut promptement réparé. Seulement, il fallut attendre quelques jours pour avoir les bois de lit que Dérigny était obligé de fabriquer lui-même et pour la vaisselle qu'il fallait acheter à la ville voisine située à 16 kilomètres de Gros-Millines. Leurs arrangements venaient d'être terminés lorsque le général entra. Sa face rouge, ses yeux ardents, son front plissé, ses mains derrière le dos indiquaient une colère violente mais comprimée. « Dérigny, » dit-il d'une voix sourde. « Mon général ? Votre femme, vos enfants ? Sac à papier, pourquoi cherches-tu à te sauver, Jacques ? Reste ici. Pourquoi as-tu peur si tu es innocent ? Jacques. « J'ai peur, général, parce que je devine ce que vous voulez dire. Vous êtes fâché et je sens que je ne peux pas me justifier. Que crois-tu que je te reproche ? Vous m'accusez, général, ainsi que Paul et ma pauvre maman, d'avoir manqué de respect aux enfants de madame votre nièce. » « Ah, c'est donc vrai, puisque tu le devines si bien. » « Non, mon général, c'est faux. » « Comment c'est faux ? Je suis donc un menteur, un calomniateur. » « Non, non, mon bon, mon cher général. Mais je ne veux rien dire. Papa m'a dit que c'était mal de vous tourmenter en rapportant de vos neveux et de vos nièces. » Le général se tourna vers Dérigny. Son visage prit une expression plus douce. Son regard devint affectueux. Le général. Merci, mon brave Dérigny, de ménager mon mauvais caractère. Et toi, Jacques, merci de ce que tu m'as dit et de ce que tu m'as caché. Mais je te prie de me raconter sincèrement ce qui s'est passé et de m'expliquer pourquoi ma nièce est si furieuse. Jacques, avec hésitation. Pardon, général, j'aimerais mieux ne rien dire. Vous seriez fâché, peut-être. ou bien vous ne me croiriez pas. Et alors c'est moi qui me fâcherai, et je ne serai pas bien. » Le général souriant. « Ah, tu te fâcherais. Et que ferais-tu? Tu me gronderais, tu me battrais ?»« Non, mon général, je ne commettrais pas une si mauvaise action. Mais en moi-même, je serais en colère contre vous. Je ne vous aimerais plus pendant quelques heures. Et ce serait très mal, car vous avez été si bon pour papa, maman, pour Paul, pour moi, que je serais honteux ensuite d'avoir pu vivre quelques heures sans vous aimer. » « Bon, excellent garçon, » dit le général attendri en lui caressant la joue. « Tu m'aimes donc réellement, malgré mes humeurs, mes colères, mes injustices ?»« Oh oui, général, beaucoup, beaucoup, » répondit Jacques en appuyant ses lèvres sur la main du général. « Nous vous aimons tous beaucoup. »« Mes bons amis, et moi aussi je vous aime. Vous êtes mes vrais, mes seuls amis, sans flatterie et avec un véritable désintéressement. Je vous crois... Je me fie à vous et je veux votre bonheur. » Le général, de plus en plus attendri, essuyait ses yeux d'une main et de l'autre continuait à caresser les joues de Jacques. La porte s'entr'ouvrit doucement et la tête de Yegor parut. « Mon oncle, maman vous fait demander de lui envoyer tout de suite le petit Français et la mère pour les faire fouetter devant elle. » Le général se retourna. Son visage devint flamboyant. « Entre » cria-t-il d'une voix tonnante. Yegor entra. « Dis à ta mère que si elle s'avise de toucher à un seul de mes Français, qui sont mes amis, mes enfants, entends-tu ? Mes enfants ! Je la ferai fouetter elle-même devant moi, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de peau sur le dos. Va, petit gredin, petit menteur, va rejoindre tes scélérats de frères et sœurs. Et prenez garde à vous. Si j'apprends qu'on a maltraité mes petits amis Jacques et Paul, on aura affaire à moi. » Yegor se retira effrayé et tremblant. Il courut dire à sa mère, à ses frères et à ses sœurs ce qu'il venait d'entendre de la bouche de son oncle. Madame Papovski pleura de rage, les enfants frémirent d'épouvante. Après quelques minutes données à la colère, Madame Papovski se souvint des 6 000 roubles de revenus de son oncle. Elle réfléchit et se calma. « Écoutez-moi, dit-elle à ses enfants, je veux que vous soyez doux, complaisant et même aimable pour ces Français. Si l'un de vous leur dit ou leur fait la moindre injure, leur cause la moindre contrariété, je le fouette sans pitié. Et vous savez comme je fouette quand je suis fâché. » Les enfants frémirent et promirent de ne jamais contrarier les petits Français. « Et quand vous les verrez, vous leur demanderez pardon, entendez-vous ? » « Oui, maman, » répondirent les enfants en chœur. « Et quand vous causerez avec votre oncle, vous lui direz chaque fois que vous aimez tous ces Français. » « Oui, maman, » répétèrent les 8 voix ensemble. « C'est bien, allez-vous-en. » Les enfants se retirèrent dans leur chambre et se regardèrent quelque temps sans parler. « Je déteste ces Français, » dit enfin Anouchka qui avait 5 ans. « Et moi aussi, » dirent Machineka, Nikolaï et Pavlouska. « Chut, taisez-vous, » dirent Sonushka et Mitineka. Si elle vous entendait, elle vous arracherait les cheveux. » La menace fit son effet. Tous se turent. « Il faudra tout de même nous venger, » dit Yegor, après un nouveau silence. « Nous verrons ça, mais plus tard, » répondit Mitineka à voix basse.